toutes et à tous, c'est Michel pour l'émission La Parole est à vous sur le 107 RGM. Voilà, alors ce soir nous avons plusieurs invités et c'est une émission donc qui est en hommage à Philippe Antoine qui est disparu le mois de janvier dernier. Février. Son décès nous a laissé, à nous qui l'avons bien connu, le souvenir d'un militant, surtout syndical, mais aussi politique, qui a contribué à son niveau à l'avènement de la gauche au pouvoir en 1981. Ses amis ont tenu à lui rendre hommage lors de cette émission de La Parole est à vous, émission spéciale. On leur laissera tout à l'heure la parole. Je me dois cependant de vous présenter nos invités de ce soir sur le 107, à savoir Jean Wallroff, dont la carrière politique a particulièrement marqué Saint-Étienne, car il fut longtemps le premier magistrat, mais aussi la vie politique de nos vallées, puisqu'il fut député de la 3e circonscription, c'est bien la 3e, Jean, l'un des initiateurs de la loi Montagne, qui est toujours en vigueur, également longtemps conseiller régional. Voilà, depuis plusieurs années, il bénéficie d'une retraite bien méritée, tant professionnelle que politique, et en profite pour écrire un peu sa biographie, puis l'histoire de Saint-Étienne, les Remiremont. Georges Mangenot, dit Jojo, permettra, le militant syndical et politique, aujourd'hui militant associatif, qui a rejoint récemment notre radio locale, dont il est devenu membre du CA et, depuis peu, vice-président. Pierre Romary, qui fut responsable syndical après avoir été, avec Philippe Antoine, l'un des acteurs de la grande grève de la CIMAX en 1975, c'est ça. Il n'y a pas si longtemps, il était également conseiller et adjoint au maire Outillou. Voilà, François Durand, militant issu du mouvement syndical et de la mouvance de gauche, ex-enseignant et surtout l'un des principaux créateurs de cette radio locale où nous parlons ce soir, qui vous accueille bien sûr ce soir, et qui anime encore et toujours son émission sur Radio Guémozo le lundi soir. C'est quel titre vous faites ? Calendrier des esclavages et des libérations. Voilà. Et bien entendu, un ami de Philippe Antoine. Jean-Claude Géal, un des responsables de la CFDT retraitée des Vosges, ex-permanent de la Fédération CFDT de la métallurgie, qui est bien connu également Philippe Antoine, puisque Philippe appartenait à la même centrale syndicale qui a soutenu la lutte des CIMAX, qui restera dans l'histoire comme l'une des plus grandes grèves avec occupation d'usines, des plus longues surtout, je pense. Voilà, puis votre serviteur, bien sûr, également bien connu Philippe Antoine. Mais je tiens à remercier donc Pascal qui va assurer la technique. C'est pas toujours facile de cette émission hommage donc à Philippe Antoine. Voilà, alors je pense que on va peut-être donner la parole à Jean Wallroff, hein. Oui, eh bien. Je te remercie de me laisser la parole en premier. C'est peut-être au titre de Stéphanois. Voilà, je n'utiliserai que ça. Ce que je veux dire tout simplement, c'est que Philippe Antoine, pour moi, ça a été le détonateur de mon engagement. Et plus que le détonateur, je dirais que un beau jour de l'automne 89. 79, il a quasiment forcé ma porte, où j'étais avec mon épouse, il s'est approché, nous ne nous connaissions pas, nous ne nous étions jamais vus. Et il m'a dit, Jean, on m'a dit que tu étais à gauche. Alors écoute, voilà, je viens te voir, il faut que tu t'engages avec nous. Son but à l'époque, c'était tout simplement de faire la révolution dans la section socialiste de Remiremont. Et il comptait sur moi. André Attenot, qui avait déjà pris un engagement électoral l'année précédente, c'est-à-dire pour l'élection, une élection complémentaire municipale, avait accepté de s'engager également, à l'époque, au Parti Socialiste, qui préparait alors le congrès d'Épinay. C'était la révolution au Parti Socialiste. Nous étions... Alors, bon, évidemment, la discussion a duré une bonne demi-heure. Et puis finalement, bah, il m'a eu parce que Philippe Antoine, quand il avait envie de faire entrer une idée dans la tête de quelqu'un, eh bien, il y arrivait. Et je n'ai jamais connu quelqu'un d'autre d'aussi désintéressé, parce qu'on aurait pu penser qu'il mettait la même énergie à se mettre en avant lui-même. Pas du tout. C'était un type formidable. Moi, personnellement, sa disparition m'a fait penser que je ne trouverai plus de gens comme ça. Je crois que ce qu'on voit aujourd'hui me fait confirmer dans l'opinion que j'ai émise à ce moment-là. Voilà. Merci Jean. Pierrot ? Oui, bonjour. Oui, bonjour. Donc, moi, j'ai connu Philippe Antoine. C'est-à-dire que j'ai été embauché en 1972 à la société Simax. Il était déjà donc présent à l'intérieur de l'entreprise, puisqu'il en était le délégué syndical. Donc, je suis rentré dans une équipe qui, effectivement, fonctionnait déjà pas mal. Et au fil des mois, vu mon engagement, je suis donc devenu le secrétaire du comité d'entreprise, ce qui m'a permis de l'approcher un peu plus et puis d'avoir un fonctionnement très démocratique, toujours en lien avec la section syndicale et la CFDT en général. Parce qu'il faut se rappeler aussi que du temps de Philippe Antoine, le futur secrétaire général de la CFDT, qui était Robert Gremillet, qui était donc mon prédécesseur, Robert Gremillet, il était issu de la société Simax, oui. Et il est donc devenu le secrétaire général de la CFDT des Vaux. Voilà, pour l'instant... Tu pourrais nous resituer un petit peu ce qu'était la Simax, qui a disparu donc il y a une douzaine d'années, à peu près. Alors la Simax, je ne l'ai pas connue sur la fin. Je ne l'ai pas connue sur la fin, puisque, les engagements n'étaient plus les mêmes. À l'époque où j'étais, disons qu'il y avait un délégué syndical qui avait un certain charisme, et je pense que Jean, tu l'as bien dit tout à l'heure, il avait un certain charisme, et il arrivait toujours à unir les gens. Je me souviens, un salarié qui avait été brimé par un chef d'équipe, immédiatement quand il est arrivé à 7h30, puisque lui, il ne prenait pas l'équipe, il travaillait de journée en tant qu'outilleur, il a fait débrayer toute l'équipe. Hein. Toute l'équipe du matin, il l'a fait débrayer pour exiger de ce chef d'équipe qu'il lui adresse ses excuses plates devant tout le monde. Voilà. Donc c'était un gars qui avait, et tout à fait, comme tu disais Jean tout à l'heure, un gars totalement désintéressé. Il ne travaillait pas pour lui, il ne travaillait pas pour sa chapelle, il travaillait pour l'ensemble du bien-être des salariés. Voilà. Il y a combien de salariés à cette époque-là, Simax ? On était une bonne cinquantaine. C'était une entreprise importante. C'était une petite entreprise, on était une bonne cinquantaine de salariés. Voilà. Pas davantage. Et vous fabriquiez quoi ? Alors, il y avait donc les agrafes. Elle s'est beaucoup plus développée parce qu'il y a eu des agrafes avec des pistolets. Mais au départ, il y avait des agrafes pour les machines, les simples machines. Oui. Et puis, on a fait aussi des pointes industrielles. Voilà. Oui. C'est un peu ça qu'on faisait. Oui, puis ils avaient été repris par Bostitch, hein, qui était quand même une entreprise, une multinationale. Tout à fait. Multinationale américaine. Et à l'époque de la grève, c'était un copain Bostitch. Non, mais il y avait quand même... par exemple, il y avait des Belges, ils faisaient la même chose que nous, et quand il y avait un conflit, alors ils faisaient un petit peu pourrir cette grève, tout simplement en transférant les productions sur les autres sites. Et c'est ça un petit peu qui nous gênait. Et on essayait donc, au travers des organisations syndicales qui étaient donc belges, entre autres, on essayait de s'organiser pour unifier nos efforts, pour faire plier donc la direction qui était la même chez eux, comme chez nous d'ailleurs, du point de vue international. Voilà. Et comment a débuté ce conflit ? Parce que c'était très long, c'était plusieurs mois. Disons qu'il y a eu plusieurs conflits, et puis c'est la goutte qui a fait déborder le vase. Tout simplement, c'est quand ils ont commencé à chercher de grosses noises à Philippe Antoine, et puis qu'ils l'ont viré, quoi. Tout simplement. Donc toute la CIMAC s'est mise en grève. C'est essentiellement à cause de ça, d'ailleurs. Essentiellement. Jean-Claude, tu voudrais compléter ? Oui, je crois, moi j'étais relativement nouveau au syndicat de la métallurgie CFDT quand la grève de la CIMAC a eu lieu. Hein. J'ai commencé à mi-temps 75, je me suis vite retrouvé dans les responsables du syndicat et je me suis vite retrouvé en première ligne pour gérer tout ce qui suivait derrière. Le conflit, je crois qu'il a débuté sur un conflit entre deux personnalités fortes. Philippe Antoine qui était un meneur d'hommes et qui menait sa troupe de manmètre, comme on peut dire. Hein. Il avait une majorité de gars qui le suivaient. Et un directeur qui était moitié fou, qui s'appelait Pierre Tournet, voilà. Avec sa compagne secrétaire de direction, Cécile Laurent, et qui ont tout fait. Et Pierre Tournet, à un moment, a décidé que, sur les machines pour la production, les opérateurs devaient gérer non plus deux machines ou trois machines, mais trois ou quatre machines. Et Philippe Antoine a donné l'ordre inverse. Pierre Tournet a considéré que c'était un ordre... Un abus de pouvoir. Un abus de pouvoir. Et là, on a engagé la procédure de licenciement vis-à-vis de Philippe Antoine. À partir de ce moment-là, on était au troisième trimestre de 1975. Les gens se sont mis en grève. Et se sont mis en grève majoritaire pendant 9 mois. Au bout de 9 mois... Ben, c'était un peu le bout du bout. Les grévistes ont décidé de reprendre le travail et la direction a décidé de mettre les gens en locoute. Il y a eu locoute qui a duré 7 mois derrière la grève, hein, je crois. Et il y avait plein de monde qui était dehors. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que si CIMAC était une petite entreprise, c'était pas encore le groupe Bostitch, mais c'était un groupe américain, je ne sais plus le nom, qui avait pris le contrôle. Et s'il n'y avait pas eu un groupe derrière, la CIMAC n'aurait pas survécu à ce conflit, parce que imaginez une petite entreprise qui reste sans produire pendant plus d'un an, c'était impossible qu'elle survive. Voilà, donc c'était... Mais c'est vrai que Philippe Antoine a été licencié, il a contesté le licenciement, l'inspecteur du travail a refusé le licenciement, et c'est le ministre Durafour... Le fameux ministre Durafour, elle est devenu par la suite, qui était un ministre de droite et qui est devenu par la suite. Qui a autorisé le licenciement de Philippe Antoine. Oui, oui. C'est comme ça que ça s'est passé. J'ajouterais, tu t'en souviens certainement, qu'au moment où l'affaire a pris un tour beaucoup plus grave, Tournet avait quasiment mis Philippe Antoine au placard. Il lui avait créé un atelier pour lui tout seul, pour que personne n'ait de contact avec lui. Cordon sanitaire autour de lui. Et c'est ça qui était important. Et il n'y a pas eu défaillance au niveau du personnel et de l'engagement en faveur du délégué. Je crois que à l'époque, et puis bien entendu, il y a eu ensuite des développements terribles. À un moment donné, il y a eu des outillages de fabrication qui ont été enlevés. Voilà, tout à fait. Et qui ont été mis sous séquestre, je peux vous dire très... tant pis pour moi, hein. Je crois qu'il y a prescription, mais j'ai fait partie, j'ai apporté ma caution de politique... pour que les syndicalistes ne soient pas les seuls à se mouiller dans cette affaire-là. Tout à fait. Philippe Antoine m'a dit, on a enlevé les outils, ils sont partis, tu ne les sauras jamais où ils sont, même moi je ne sais pas où ils sont, parce que je ne maîtrise pas toute la filière. Non, c'est juste. Et les gens, si les salariés ont fait grève derrière Philippe Antoine pendant plus de 9 mois, c'est parce qu'ils avaient tellement confiance en leur chef qu'ils ne souhaitaient pas reprendre le boulot sans Philippe. Et c'était cette peur-là qui a fait la durée de ce conflit et la majorité de ce conflit pendant 9 mois. Oui. Bon, j'ajouterai aussi une petite anecdote, c'est que des secrétaires généraux de la CFDT ont été invités, par, évidemment, même de façon pressante, par la CFDT, par la section de la CIMAC, dans pleine bagarre. Et que, ben, ils ne se sont pas déplacés. Et qu'un jour, Philippe Antoine m'a dit, écoute, Jean, tu devrais téléphoner à Chérec, paix à son âme. J'ai eu Jacques Chérec. Oui, Jacques Chérec, le père. Il faut qu'il vienne. Il faut qu'il vienne. Simas, quand même, c'était le plus long conflit de France à l'époque. En durée, c'est celui qui avait duré le plus longtemps. Il y a quand même eu la visite d'Edmond Maire. Il y a eu la visite de Bonheur, tout à fait. Avec, dans la cantine de la CIMAX, hein, voilà. Oui. Voilà. Pour démentir. Alors, Edmond Maire, je ne sais pas si c'est suite à une intervention du Mais, chef, mais il, m'a dit il m'a dit, les gars, ils voudraient bien que ce soit Chérec, parce qu'on sait qu'il n'est pas chaud, effectivement. Alors, moi, j'ai eu Chérec au téléphone chez moi. J'avais à l'époque mon téléphone qui était dans un petit vestibule. J'étais debout tout le temps où j'ai eu le téléphone. J'aime autant vous dire tout de suite que ça s'est terminé, je l'ai traité de salaud. Et Chérec a utilisé le même langage avec moi. Je vous le dis tout de suite, hein, on ne se connaissait pas. Je ne l'avais jamais vu. Hein. Mais, voilà. Chérec, comme toi, il était entier. Hein. Oui, tout à fait. Je l'ai bien connu, je sais comment... Bon, je l'ai connu de façon beaucoup plus conviviale à l'avenir, par la suite. Hein, mais à l'époque, j'avoue que ça, j'ai dit c'est pas possible. Il est vraiment comme Philippe m'a dit. On fait une pause ou... On va faire une pause tout à l'heure. Je voudrais quand même te donner un peu la parole. Alors j'y vais. Donc Philippe Antoine, c'est Jojo Mangenot. Philippe, je l'ai bien connu et nous nous sommes connus en 1968. Donc très très rapidement, lui venait. Je ne sais pas exactement d'où. Il venait de créer la section syndicale à CIMAX avec Robert Gormier en 68. Et moi, j'entrais dans le monde du travail. J'étais dans une petite entreprise de commerce. J'étais syndiqué SFDT. Nous sommes retrouvés ensemble à l'union locale. On appelait ça une union interprofessionnelle de secteur. Mais pour abréger, on dira union locale. Et nous avons fait corps ensemble, on a animé cette union locale, les réunions, les tracts, etc. Aller sur le terrain, c'était Remiremont, et l'union locale de Remiremont. Et ce, jusqu'en 1975-1976, et là, la vie et surtout les conflits ont fait que nos chemins se sont séparés. Alors, le 22 octobre 1975... Pierrot nous le rappelait tout à l'heure, c'est le jour où le ministre Durafour signifie et autorise le licenciement de Philippe. Contre l'avis de l'inspection du travail. Contre l'avis de l'inspecteur du travail. Oui, oui. Pas de l'inspection. Poirier. Non. Mais... C'était pas Poirier, le directeur du travail. Non, non, c'était pas lui. Non, l'inspecteur, c'était Poirier. Mais le directeur, c'était M. Henri qui, lui, avait monté le dossier à charge contre Philippe Antoine. Alors, ce 22 octobre 1975, c'est une coïncidence. Nous nous connaissions très bien. On était souvent, on se voyait toutes les semaines, on était souvent ensemble sur le terrain. Et le 22 octobre 1975, je suis également, pour Action Syndicale, licencié de la boîte où je travaillais. J'étais dans une autre boîte, une graniterie de Planois, où il y avait une quarantaine de salariés. Pour Action Syndicale, voilà. Et c'est un télescopage, et nos destins vont se croiser et s'unir pendant quelques mois. Et je vais être souvent, d'ailleurs, c'est là que j'ai connu Pierrot à la CIMAX, assister aux assemblées générales, être membre du collectif où on y était avec Jean également. Donc c'est toute une histoire, une grande histoire passionnante. Et je dirais, c'était avec Philippe ça autre part. Chose qu'une amitié. C'est aussi l'histoire des Hauts-de-Vosges. Oui. C'était une histoire une forme de fraternité. Ouais. La fraternité dans le combat, mais une fraternité qui nous a unis, qui nous a toujours unis. On ne s'est pas vu très souvent ensuite, mais on s'est revu quand même. Je l'avais revu il y a 2-3 ans encore chez lui. On avait évoqué tous nos vieux souvenirs et on avait surtout parlé du présent. Parce que ça, c'est ce qui intéressait Philippe, c'était le présent, l'avenir. Il était toujours un combattant. Et c'était un grand combattant parce que c'était un homme qui faisait preuve d'une bienveillance extraordinaire vis-à-vis des gens avec qui il travaillait. Et il était révolté, il s'insurgeait dès que l'on faisait du mal. Quelqu'un le racontait tout à l'heure, un ouvrier avait été brimé tout de suite, et Il démarrait sur les chapeaux de roue, il mettait l'atelier en grève parce qu'il ne supportait pas que l'on puisse abaisser les gens comme ça. Il était vraiment d'une grande bienveillance. Et j'ai beaucoup appris de lui ensuite dans ma vie syndicale, dans ma vie professionnelle. Et je me rappelle, il m'avait dit, tu sais, tous les jours, il faut que tu ailles saluer les camarades dans la boîte. Et il le faisait tous les matins. C'était un des reproches qui lui ont été faits pour justifier son licenciement, d'ailleurs. Et tous les jours, il allait saluer ses camarades. Et quand j'ai travaillé après, tous les jours, je suis allé saluer les gens qui travaillent avec moi. Et c'est vrai que c'est une forme de bienveillance. Ça permet d'avoir l'écoute des gens et de pouvoir faire passer un certain nombre de choses. Donc voilà, je dirais, le tableau humain de Philippe, hein, qui était aussi quelqu'un très engagé dans la vie civile. Et ce n'était pas qu'un syndicaliste. On allait faire les courses ensemble, c'était rigolo. Rennes s'occupait des enfants, son épouse. Lui allait faire les courses et il achetait tout ce qui était nécessaire, y compris pour son épouse. Et il m'expliquait, tu vois, c'est ça l'avenir, les hommes doivent évoluer. On doit être, les femmes sont nos égales. Donc il avait, je dirais, sur ce plan-là, des idées qui étaient fortement en avance. Et j'ai beaucoup profité de tout ce qu'il pouvait apporter. Je ne suis sans doute pas le seul hein, dans la région. Oui. Et quand on parlait de son charisme, je rappelle quand on est allé créer des sections syndicales dans les entreprises du secteur, chez Triconnet, à Rue sur Moselle, etc. Il y a eu Matin aussi. Il y a eu aussi la chaussure. La chaussure, oui, la CVC. Mais c'était fantastique. Il avait un charisme. Les gens lui faisaient confiance. Ils avaient confiance en lui. Parce que déjà, il ne racontait pas des bobards, il ne racontait pas des salades. Il leur disait, si vous voulez obtenir quelque chose, il faut vous battre. Et c'était un combattant, voilà. Un grand combattant. Oui. En fait, c'était un très grand visionnaire. Il était en avance sur l'actualité d'aujourd'hui. Et je me souviens, pendant des années, les salaires de la CIMAC, c'était les plus élevés de toute la région, y compris dans la métallurgie, à la CIM et compagnie. Et c'est vrai que Philippe-Antoine, quand il faisait débrayer quelqu'un, si on le suivait, c'est qu'on avait des raisons. Autrement, on n'avait pas envie de suivre, on ne suivait pas. Donc c'était un gars qui il emmenait les foules avec lui, et pour le bien-être des salariés, tout à fait. Alors, je vais rebondir sur ce que tu dis, Pierrot. Le licenciement autorisé par Durafour ne relève pas du hasard. Certes, Tournet, forte personnalité. Philippe, forte personnalité. Deux personnes qui s'affrontent hein, sur le terrain de l'usine. C'est sûr, ça fait des étincelles. Il y avait aussi un contexte politique. Il y avait, au-delà du... Déjà, le contexte syndical, je dirais. C'était un meneur d'hommes. Et dans toute la vallée, on crée des sections syndicales. Ça, et ça partait, il y avait vraiment... on est après 68, hein, il y a un fort mouvement syndical. Et Philippe est un leader au niveau de l'union locale. Et je pense que c'est cet homme-là aussi qu'on veut abattre. C'est ça. Et qu'on se rappelle, il est le premier. Il ouvre le bal. Parce que les autorisations de licenciement, après, elles vont pleuvoir. À la CGT comme à la CFDT. Et elles vont pleuvoir, il va y avoir moult licenciements, parce que les pouvoirs en place, le patronat et le pouvoir politique en place, ont décidé de démolir, de décimer les organisations syndicales pour pouvoir continuer à perpétrer leur coup politique néfaste aux salariés. Voilà, on va, si vous le voulez bien, on va peut-être s'accorder une pause musicale. Et je crois que c'est Jean Ferrat qui a été choisi, ma France. C'est évocateur de quelque chose également. C'est tout Philippe-Antoine. De plaines en forêt, de vallons en collines, du printemps qui va naître à tes mortes saisons, De ce que j'ai vécu à ce que j'imagine, je n'en finirai pas d'écrire ta chanson, ma France. Au grand soleil d'été qui courbe la Provence, déjeuner de Bretagne aux bruyères d'Ardèche, quelque chose dans l'air a cette transparence et ce goût du bonheur qui rend ma lèvre sèche, ma France. Cette air de liberté au-delà des frontières, aux peuples étrangers qui donnaient le vertige et dont vous usurpez aujourd'hui le prestige, elle répond toujours du nom de Robespierre, ma France. Celle du vieil Hugo, tenant de son exil des enfants de 5 ans travaillant dans les mines, celle qui construisit de ses mains vos usines, celle dont Monsieur Thiers a dit on la fusille, ma France. Picasso tient le monde au bout de sa palette, des lèvres d'Éluard s'envolent des colombes, n'en finissent pas tes artistes prophètes de dire qu'il est temps que le malheur succombe, ma France. Leurs voix se multiplient à n'en plus faire qu'une, celle qui fait toujours vos crimes, vos erreurs, en remplissant l'histoire et ses fausses communes, que je chante à jamais, celle des travailleurs, ma France. Celle qui ne possède en or que ses nuits blanches, pour la lutte obstinée de ce temps quotidien, du journal que l'on vend le matin d'un dimanche à l'affiche qu'on colle au mur du lendemain, ma France. Qu'elle monte des mines, descende des collines, celle qui chante en moi, la belle, la rebelle, elle tient l'avenir serré dans ses mains fines, celle de 36 à 68 chandelles, ma France. Voilà, on a toujours plaisir à retrouver Jean Ferrat et puis bien sûr nos invités de ce soir, et on parle bien sûr de Philippe Antoine, auquel on rend hommage. À sa disparition au mois de janvier dernier a été quand même un choc pour beaucoup d'entre nous qui l'avons bien connu, parce que c'était quand même une personnalité non seulement syndicale, un petit peu politique, et donc je crois qu'il faut, il appartient à l'histoire locale, si on peut dire, voilà. Alors, Jean, tu voulais rajouter quelque chose, et puis je vous ai touché deux mots de la façon dont il m'a créé. Enfin, il a créé ce que je suis devenu par la suite. J'y ai mis du mien, d'accord, parce que quand on est dans la seringue et que effectivement on partage l'idéal, bah, on y va. Mais l'essentiel, c'est lui qui l'a monté, parce que l'action qu'il a menée a conduit à l'équipe de Gaillard que nous étions, de devenir majoritaire donc à la section de Remiremont, et de décider que Saint-Étienne, par une délibération interne au Parti Socialiste, qu'une liste d'union de la gauche aurait lieu. On était à l'époque en accord avec le Parti Communiste, et on a même, à l'époque, on avait même décidé que si on réussissait le hold-up, Van Melkebeck, Jean Van Melkebeck, qui était au Parti Communiste, parce que nous étions tout neufs. On n'existait pas, on n'avait aucune formation politique, vraiment. Vous faisiez votre apprentissage en théorique ou autre. Hein, et que ce serait lui. Manque de peau. ce fut André Attenot, qui est après devenu mon premier adjoint, qui a été élu au premier tour sur notre liste. Seul élu du premier tour. Moi, je restais sur la touche, mais j'arrivais directement derrière. Vous rappelez-vous que c'était encore le panachage. En nombre de voix, lui, André Attenot, il avait été candidat avec Van Melkebeek pour une partielle qui avait eu lieu un peu plus d'un an auparavant, parce que le maire avait démissionné pour raison de santé. Et puis, ils avaient échoué, mais ils s'étaient un peu fait connaître. Donc, André Attenot, en 71, l'élection générale, il est élu au premier tour. Et moi, j'y suis au deuxième, pour le dernier poste qui restait à pourvoir. Tout a commencé là. Mais vous n'étiez pas majoritaire. On était deux. Ah oui. Et je vous rappelle, Poncelet voulait à tout prix créer une caserne de gendarmerie mobile à Saint-Étienne. Évidemment, nous, on a bagarré au conseil municipal à deux. Et j'aime autant vous dire que faire des tracts nous-mêmes et les porter à deux, enfin on avait des camarades aussi qui nous aidaient, bon, on a percé comme ça, et Poncelet est venu deux fois remonter les bretelles au conseil municipal, au maire et tout, en disant, bon, la motion de M. Valroff, la motion de M. Attenot, parce qu'on avait fait une motion qui avait été votée à l'unanimité, c'est une motion de défiance, oui, parce qu'il y avait aussi l'affaire du lac, le lac de Noirgueux. Alors, toutes ces affaires-là ont fait que les gens de Saint-Étienne, on les entendait à la fin, parce que la salle de réunion, en dessous, là, ici, c'est à l'époque, l'annexe qui est à côté, hein, elle était pleine de monde. C'était la révolution à Saint-Étienne, et les gens disaient, mais c'est qui le maire à Saint-Étienne? C'est Valroff? C'est Attenot? On était le duo. Et effectivement, c'est comme ça qu'on a emporté la majorité à l'élection d'après, et que là, effectivement, j'étais en tête de liste, encore que, à l'époque, encore une fois, c'était toujours l'ancien système électoral. Hein. Et voilà, et on a gagné. Et c'est comme ça que je suis resté, ça quand même, maire pendant sa mandat. Précisoire, hein. Jean, à l'époque, Poncelet était député des Vosges. Député ah oui, il était député des Vosges. Voilà. Oui. Pour situer un petit peu les acteurs. Il n'était encore pas. Non, il n'était encore pas sénateur. Député ministre. Hein, mais ministre du budget. Il était ministre, et puis il était surtout. Il était comme député. Rapporteur général du budget. Ah oui. Ce qui est une place extrêmement importante. Hein. Voilà. Et je veux dire que tout ce qui s'est enchaîné après, que ce soit législatif ou tout, c'est pour ça que je vous disais, quand on est dans la seringue et qu'on a des camarades qui poussent et qui disent, bon, bah, tu peux y aller, pourquoi pas. Hein. Et c'est aussi comme ça, hein, on parlait tout à l'heure de la Bresse, hein, et c'est aussi comme ça que je me suis retrouvé candidat dans le canton de Saulxures en 73. À l'époque, je n'étais encore pas maire, bien entendu, j'étais conseiller municipal minoritaire ici. Et les copains à Épinal m'ont dit, bon, bah, écoute, hein, mais dis donc, toi, tes parents n'ont pas habité le canton de Saulxures? On n'a personne là-haut. Alors j'avais sondé un peu, j'avais trouvé un ancien syndicaliste qui avait fait 36 à Saulxures, un ancien DFTS, et puis, bon, quelques-uns, des enseignants, hein, bon, bah, puis je suis allé faire la campagne, et puis j'étais battu. À l'époque, c'était le président de la Chambre de commerce des Vosges, et qui était maire de la Bresse, Gonan. Oui. Hein? Alors, j'ai fait des très très bonnes réunions. Qui était aussi dans la SOPEC à l'époque, non? Oui. Hein, c'est-à-dire une entreprise de bâtiment. C'était encore Claude Germain, conseiller général en 73. Non, c'était lui. C'était pas Gonan, il était conseiller général. Ah, si. Non, c'est Claude Germain et après c'était Braun. Ah, tu crois? Ah, je te garantis. Enfin, il était maire, hein? Oui, Gonan. Oui, Non, il était maire à la Bresse. Et là, j'ai eu des gars qui sont venus. Il y a eu les frères Mangin, il y a eu le beau-frère de Guy Vaxelaire, et puis Guy Vaxelaire. C'est là que tous ces gens-là, dont Guy Vaxelaire, ont adhéré et sont venus, et où on a pu commencer à faire un noyau dans les vallées. Toute une équipe qui avait une véritable sensibilité de gauche. Oui, oui. Et des gens qui venaient. Et ce que j'ai dit, ce qui m'a créé des inimitiés, par exemple, avec certains communistes, c'était tout simplement parce que j'avais des gens de la, je le disais toujours, et la JOC, à la Bresse. J'ai eu des filles, dont une ici a eu beaucoup de problèmes physiques, etc. Bon, je ne vais pas aller plus loin. Mais Jocelyne, je ne sais plus son nom de famille, malheureusement, qui est ici. On dira Jocelyne. Elle a été employée à la mairie, elle est en retraite maintenant. Risser. Ouais. Risser. Bon, Jocelyne faisait partie des jeunes de la JOC qui nous suivaient. Hein, et dans tout le secteur, c'était comme ça. Et tout ça, en fait, si je veux bien, tout ça, c'est parti de du jour où, je ne veux pas augmenter mon importance, probablement que j'étais appelé à avoir ça dans le sang, je ne sais pas, hein, c'est comme ça. Mais ce qui est certain, c'est que ce jour-là, comme tu disais tout à l'heure, c'est quelqu'un qui savait convaincre, mais qui avait en lui la rigueur pour lui-même. Il avait la rigueur qu'il souhaitait dans ce qu'on allait mettre sur pied. Pour lui, il ne fallait pas qu'on déroge d'un certain nombre de principes. Et il avait vraiment un idéal, et il avait des règles, ses règles à lui. Et je vous assure que il faut avoir vu avec quelle conviction, quand il y avait quelque chose qui ne marchait pas, ou quand il y avait quelque chose à quoi il voulait arriver, il était capable de convaincre n'importe qui. Et tout ça simplement, c'est parce qu'il faisait abstraction de lui-même. Je suis persuadé que c'est ça surtout. Personne ne pouvait dire avec Philippe Antoine, cet homme-là, je vais le manipuler, etc. Ça, à mon avis, c'était peine perdue d'avance. Hein? Moi, je lui dois tout. Je lui dois tout. Je lui ai dit, et quand je lui ai dit, il m'a dit, il rigolait. Hein? Et pour lui, il avait une certaine modestie. Il avait une grande modestie. Une grande modestie. Il ne se prenait pas pour un stratège. Moi, je dis, il cherchait toujours les moyens d'arriver à telle ou telle fin. Voilà. Et puis, en même temps, il avait un cœur énorme, parce que je vous assure que le jour où il est venu à la maison, parce qu'en fait, là, on habitait à 300 mètres l'un de l'autre, hein, 300-400 mètres. Si c'est en ligne droite. Et je crois que quand il est venu m'annoncer que son fils, Jean-Christophe, était décédé, c'était un truc terrible, terrible, oui. Terrible. Parce que je suis persuadé qu'il se disait responsable. Il se disait responsable par son engagement, par le fait que... Ce qui était faux. Parce que Rennes... Tu as connu. Ah oui. Rennes et lui s'occupaient parfaitement de leurs enfants. Hein? Mais ouais, je ne veux pas aller plus loin, parce qu'il s'agit toujours de maladies dont on parle peu. Hein? Oui, ça a été pour lui... Un arrachement terrible. Hein? Mais il ne le faisait pas toujours voir. Non. Oui, moi je dois avouer qu'on se connaissait assez peu avec Philippe. On se rencontrait de temps en temps dans les magasins, dans la rue. Et chaque fois on discutait de syndicalisme, de politique. Et puis il y avait des tas de choses, des tas de sujets qu'on pouvait aborder. Bon, c'était soit son épouse, soit la mienne qui nous rappelait à l'ordre, qui nous disait « Ben oui, mais maintenant l'heure tourne, il faut passer au reste ». Et puis je dois avouer que j'ai pas voulu croire. Quand je suis tombé sur l'annonce de son décès, Il était question des Vosges, mais il était question des Alpes. Je ne sais plus quelle ville ou quel village dans les Alpes. Chambéry. Chambéry. Ben oui. Alors, je lui ai dit, bon, j'ai dit non, c'est pas lui. C'est quelqu'un d'autre. Il s'agit de quelqu'un d'autre. Voilà. Parce que c'est difficile de comprendre, d'imaginer, d'admettre qu'un gars comme ça disparaisse. Quoi. Moi, j'ai vu des amis, parce que moi et mon épouse, plusieurs fois, je disais, bon, on savait, hein, quand on se voyait de temps en temps, puis après, de moins en moins, parce qu'il sortait, puis on m'avait dit, oh, il est, tu sais, tu verrais, tu ne le reconnaîtrais pas beaucoup, enfin, etc. Un jour, on m'a dit, mais il est hospitalisé. J'ai fait la bêtise, je le dis, de ne pas aller tout de suite pour le voir à l'hôpital. Et quand j'y suis allé, on m'a dit, ah ben non, sa fille l'a fait déplacer là où elle est, parce que c'était à Chambéry. Hein, et il a été dans un EHPAD, et puis ensuite son épouse aussi, je crois qu'elle était également malade. Hein, et donc, moi j'ai dit à ma femme, tu sais, il faut qu'on arrive à savoir où. Et ça, je n'ai pas pu le savoir, en tout cas suffisamment tôt. Et puis, la nouvelle est arrivée. Et puis dans la nouvelle, il n'y avait même rien pour qu'on puisse envoyer quoi que ce soit. J'ai essayé, j'ai contacté les funérariums, etc. Bon, tu sais, c'est des trucs impersonnels. Et une fois même, j'avais dit, bon, des EHPAD, il n'y en a peut-être pas d'État. J'en ai trouvé sur l'annuaire, je ne sais plus combien, au moins une trentaine. Hein, j'ai dit, j'ai renoncé. Dans la région de Chambéry. Mais vraiment, oui, dans la région, à Chambéry, dans la région, oui. On voyait, on disait, tiens, ils sont venus, quand il y avait des volets qui s'ouvraient, qui s'entrouvraient, hein, et puis ça a été un moment, une voisine qui s'en occupait, Violette. C'était une ancienne postière, employée de la mairie d'ailleurs, hein, qui était à l'école maternelle, et c'était une voisine. Or, je pense qu'à un certain temps, elle allait ouvrir les volets de temps en temps, hein, pour que la maison ne soit pas toujours close, enfin, etc. Et puis, voilà. Et puis un beau jour, on dit, ça fait mal. Hein, de ne pas avoir pu le voir, ou voilà. Mais là, j'ai essayé, hein, envoyer un mot, envoyer des fleurs, je voudrais dire que je me suis construit aussi grâce à Philippe Antoine, parce que je débutais, moi, dans mes responsabilités au syndicat des métaux. Et la CIMAC, c'était une section syndicale du syndicat des métaux. Et donc, dans le conflit, il y a eu un tas de procédures juridiques qui ont été engagées. S'il n'y en avait pas plus de 20, il y en avait au moins 20, dans toutes les juridictions du national au plus local, et il y avait un cirque avec ça. L'avocat qui était pris par la CIMAC et par le syndicat, il s'appelait Maître Pau, c'était un vieil avocat, un avocat vieillissant, qui était malade et qui a posé les armes, c'est vite. Donc Philippe-Antoine m'a appelé, puis il m'a dit, Jean-Claude, écoute, il n'y a qu'une solution, c'est que tu reprennes les affaires juridiques. Je lui dis, j'y connais rien. Alors, j'ai appelé la Confédération. La Confédération m'a envoyé un expert en juridique du service juridique qui s'appelait Michel Aubron. Et on a défricher tout le dossier avec ça, et on a... Donc ça m'a fait une formation sur le tas assez rapide et assez extraordinaire, et c'est à Philippe-Antoine que je le dois. Je rebondirai de la même chose. C'est par l'intermédiaire et grâce à Philippe-Antoine qu'effectivement, je suis resté quelques années à la CIMAX, et après, on m'a poussé sur des autres responsabilités, puisque je suis devenu donc le secrétaire général de la CFDT de 77 à 84, également secrétaire régional adjoint, et je siégeais aussi au Conseil national confédéral. Donc c'est des postes à haute responsabilité, issus du même homme qu'on parle ce soir, et tout ça pour dire que Philippe Antoine, toujours délégué syndical, dans sa petite unité, et il poussait les autres vers d'autres responsabilités, tout en gardant pour lui ce qui était plus précieux pour lui, la défense des intérêts des salariés. Voilà. Tout à l'heure, on a un petit peu évoqué le climat syndicalo-politique de l'époque. Il m'a raconté qu'il lui arrivait une drôle d'aventure. On était encore pas très loin après 68. Et on portait encore. Et puis on était dans la montée vers 80, disons. Il y avait une montée en pression, une montée en puissance, là. Et il y avait pas mal de collages d'affiches. Et Philippe est participé au collage d'affiches quand on lui demandait, certainement. Et un jour, il est tombé sur une équipe. Je ne sais plus si on disait à l'époque l'UNR, l'URPR, l'UDR, puisqu'ils ont changé de nom quasiment à chaque élection, pour avancer tranquille, avant son cachet, avant son masqué. Oui. Et ils ont, j'étais quelques costauds, ils l'ont attrapé et ils l'ont balancé dans le canal des Grands Moulins, à côté de l'usine, là-bas, au coin, près de la pharmacie. Et il est tombé près d'un piquet, un piquet rouillé. Dans l'eau, il est tombé très près, il aurait pu s'éventrer là-dessus. Mais... pour dire le climat que créait la droite de l'époque. La droite de l'époque était prête au pire pour défendre ses intérêts. Il y avait un affrontement quasi quotidien avec des forces de droite. Tu parles d'un événement, moi j'ai connu un événement similaire, c'est lorsque nous sommes, alors là aussi, c'est, ben voilà encore, Philippe Antoine, c'est sa façon de réagir face à un problème, à quelque chose qui peut mal tourner, il vient chez moi, toujours, quand c'était comme ça, il vient chez moi puis il me dit, Jean, bon, prépare-toi, je vais voir Philippe, s'agissait de Le Riche. À l'école de Ceux, il était à l'école de Ceux à l'époque. Je vais voir Philippe. Qui c'est qu'on peut voir aussi? C'était Philippe Le Riche qui l'avait appelé au téléphone. Il avait un beau-frère, Philippe Le Riche, qu'on revoit de temps en temps, qui était directeur d'école dans le secteur de Rambervillers. Puis, à 8h du soir, il dit, voilà, là-bas, tu verrais, ils tournent, ils arrachent toutes les affiches, il faut y aller. Alors nous, moi je sortais de faire la campagne législative Armirement, on avait été battu. Le dimanche. C'était 1978, c'est ça? 73. J'étais suppléant de Montlebrand, à l'époque. Ah oui. Oui, oui. Et donc... c'est la campagne de Pierre Blanc, sur le canton c'était sur le canton de Rambervillers que ça se passait. Oh, il faut qu'on y aille, tu comprends, tant pis, on n'a plus le droit d'afficher, mais on va décoller, on décollera tout ce qu'ils remettent. Et avec ça, on est parti, mais il a quand même pris un saut de colle. Alors on est parti avec. Quelle voiture c'était? Ça de chevaux, je crois bien. Non. Ou l'air sel. C'était. Alors. On a eu le ralliement chez son cousin, chez le cousin de Philippe Le Riche, qui nous a tous emmenés dans sa voiture. Et puis il y en avait une autre, et Philippe Le Riche, Philippe Antoine avait pris donc, il avait un saut de colle, quand même. Il m'avait dit, on ne sait jamais, bon. et on suivait, quand on est arrivé là-bas, on a commencé à tourner dans tous les coins, après de passer chez le copain en question, on a tourné dans tous les coins, et puis on décollait, on recollait, etc., puis on changeait de coin, puis à un bon moment, on s'est trouvé, on commençait, c'est un patelin, de l'autre côté de Rambervillers, pas loin, la preuve, vous allez voir. Là, on s'aperçoit que des affiches toutes fraîches. Alors là, on décolle, c'était près de l'église. Il y avait l'église, il y avait les panneaux à côté. Puis après, c'était un petit peu No Man's Land avec des champs. Et on était bien affairés. On se retourne. On était encerclés par les gaillards. Hein, qui était, ils venaient de casser la croûte, ils avaient fait une pause, ils venaient de casser la croûte dans le bistrot, le restaurant, qui était juste face à l'église. À un moment donné, j'ai dit, comment on va faire ? T'es là, hein, notre voiture était, je la vois encore, hein, comme ça. C'était une Peugeot qu'il avait, c'était celle du fameux cousin. Et je glisse ceux qui étaient à côté de moi. Alors il y en avait un qui s'est trouvé séparé. J'ai dit, il y a un trou, on file à toute pompe vers la voiture. On est parti à toute pompe, on était cinq dedans, on a grimpé dans la voiture, on est parti. Les mecs, dardard, avec 4-5 voitures derrière nous. Et on a relevé des impacts. Ils ont dû tirer avec une carabine à plomb, hein. On suppose, une carabine soit à air comprimé, parce que ça faisait un bruit dans la carrosserie derrière. Et puis, le cousin, c'était pas un chauffeur de rallye. Dans les rues, on était poursuivis. Alors bon, ceux qui tournaient ici, ils tournaient là, jusqu'au moment où on a été rattrapés. Ils nous ont coincés, je me souviens, en plein centre-ville, avec, alors chacun... Chacun part de son côté. Nous, on arrive, il y avait une boulangerie, et puis on voit de la lumière, on arrive, le gars, le gars en tenue de boulanger, il nous ouvre la porte, et puis, entrez. Puis il la referme aussitôt, et puis il nous a emmenés au pétrin. Il était en sous-sol, il était au pétrin, où il était en train de bosser. Et puis, j'ai vu que le dernier gars, j'ai vu mon Philippe le Riche debout sur la bagnole, avec le saut de colle à la main. Il s'est fait retourner le saut de colle sur la tête. Enfin bon, ça s'est arrêté là. Alors, on est ressorti. Parce que, évidemment, les flics sont arrivés. Hein, il y a eu. Et il y avait le. Comment il s'appelait ? Celui qui est devenu après attaché parlementaire de Séguin. C'était la première élection de Séguin. Ça a été son premier mandat, et qui est devenu son attaché parlementaire, en comment donc, qui sait. Il a été longtemps hein, dans ce... Non. Pas Beaubourg, Chauffour, pas comme ça. Enfin, peu importe. Qui était là, tu sais, comme un badaud qui passait comme ça, sans avoir l'air. Et puis on a dit, mais aux flics, ouvrez les coffres, vous verrez. On est sûr qu'ils ont une arme. Pas branché. Bien sûr. Pas branché en balou, vous savez. Dès l'instant qu'on ne voit pas de fait se commettre devant nous, bon, vous nous dites ça, mais moi, on ne peut pas ouvrir les voitures comme ça, en fait, etc. Oui, aujourd'hui, tu dirais, avec la loi anti-casseur, on peut. Maintenant, on ne pouvait pas encore. Et voilà... un épisode, et je sais qu'il a été touché à la jambe, il a reçu des coups de pied. Hein. Et parce que, encore une fois, tu vois, quand on dit, on fout le camp, hein, on se planque, et ben il est resté dans le plus gros de la bagarre. Hein. Je voudrais faire un aparté par rapport à Philippe le Riche, puisque c'est quand même lui et toi. Hein, qui nous ont accueillis à Saint-Étienne-d'Hermiremont, radio locale, alors qu'on n'avait plus de possibilité de rester à Rupt-sur-Moselle. Et donc, notre arrivée à Saint-Étienne-d'Hermiremont était surtout Philippe le Riche, qui était ton adjoint, qui avait soutenu, donc, seule municipalité à bien vouloir nous accueillir. Bon, je ferme la parenthèse. Oui, voilà. Moi, je voulais encore dire quelque chose. Le conflit de la CIMAX, il était aussi compliqué par... le climat politique de l'époque. Dans le climat politique de l'époque, il y avait l'union départementale CFDT où il y avait trois permanents. Mmh. Un permanent professionnel Aquitex qui était plutôt de tendance PSU. Mmh. Un permanent venu de Paris, qui était Daniel Luc, qui était plutôt de tendance... Daniel Luc, oui. Oui. Et un autre permanent, Robert Grémillet, qui lui était issu de la CIMAX, et qui voulait régler des comptes aussi avec Tournai. Et qui est malheureusement décédé jeune. Oui, qui est décédé jeune. Et donc tout ça, ça a compliqué, parce qu'il y a eu des opinions divergentes entre les différents permanents. Ça a compliqué tout ça. Après, il y avait quatre Robert Grémillet à démissionner. Il a fallu le remplacer. et il y avait deux candidats, Georges Mangelot et Pierre Romary. Un tendance PSU, un tendance PS. Et c'était la bagarre, c'était un peu le bordel à la CFDT. Ah, la bagarre, c'est vrai. Feutré quand même. Ça, on ne s'est pas battu. Hein. Ça a pourri un peu le conflit. Oui. En fait, c'était, on était concernés, mais ce n'était pas nous les intervenants. Absolument. C'était les autres. Oui. voilà. Bien. Ça, oui, ben c'était. Ouais, vous savez, hein. On va conclure cette émission, hein, parce qu'on n'aura même pas le temps de faire une autre pause musicale. Hein, je rappelle quand même qu'on est ensemble là pour apporter un témoignage et puis surtout un hommage à Philippe-Antoine. Je voudrais en conclusion, le 22 octobre 1995, donc 20 ans après, je prends ma plume, j'écris à Philippe et je lui dis: te souviens-tu? Il me dit: oui, je me souviens. 20 ans avant, il y avait une espérance et un projet. Le combat était clair. Classe contre classe. Depuis, le mur de Berlin s'est effondré et nous assistons à la mondialisation du capitalisme, au triomphe du veau d'or, et en plus, il voudrait qu'on applaudisse. Plus que jamais, le combat reste à mener pour faire naître une économie au service de l'humanité et non pas une humanité esclave de l'économie. Peut-être faudrait-il faire renaître Marx et la lutte des classes. Voilà ce qu'il m'écrivait en octobre 95. Il était déjà brisé par la maladie de son fils Jean-Christophe, et je le verrai quelques mois après, quand je travaillais à Épinal, et il était, je l'ai vu, pleurant, vraiment brisé. Bon, mais c'était un grand combattant. Il est resté un combattant, et quand je l'ai revu dans les années 2013, 2014, 2015, certes, il y avait la sagesse de la vieillesse, mais il pensait encore à l'avenir. Et je lui rends encore hommage ce soir. Pour moi, c'était un grand frère. Et je voudrais aussi ce soir rendre hommage à quelqu'un qui, tout au long de sa vie, l'a soutenu. Tout au long de sa vie, a soutenu son combat, ses reines, son épouse. Et j'étais souvent invité à leur table, je mangeais chez eux, et rendre hommage aussi à ses enfants, Isabelle, Pascal, Jean-Christophe qui est décédé, mais qui, effectivement, ont suivi et subi toutes ces difficultés, parce qu'après la CIMAX, il a fallu repartir dans une autre voie, dans autre chose. Ils ont toujours fait corps. Hein. Mais toujours ils ont fait corps. Toujours. Oui. Et leur grande joie dans ces dernières années, c'était leurs petits-enfants. C'est ce dont on discutait ensemble. Voilà. Philippe, adieu. Et merci. Adieu Philippe, oui. Et puis hommage aussi à Rennes, auprès de laquelle j'ai souvent trouvé du soutien lors des luttes de la Poste et de France Télécom, surtout en 1974. Voilà, je voulais rendre aussi hommage à Philippe, et puis bien sûr le combat de Philippe que j'ai souvent accompagné. Voilà, c'est mon côté animateur qui revient. Eh bien, il est l'heure de se quitter, malheureusement, hein, sur cet hommage à Philippe et à Rennes. Voilà, je vous remercie tous d'avoir participé à cette émission, ça m'a beaucoup ému. Aussi, puisque j'ai bien connu Philippe. Et puis, je donne rendez-vous à nos auditeurs. Donc, mardi prochain, pour une nouvelle émission de La Parole est à vous.